Évariste Nzikoba Nyanga. Jean Dodu Ndaisenga sur la mise en onde. Nous sommes dimanche 11 juin 2017. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Une personne a été tuée dans la nuit de ce samedi et une autre blessée sur la colline Mugano de la commune et province Ruigi par des malfaiteurs armés de fusils et de grenades. Et une somme de 40 000 francs a été volée selon le porte-parole de la police. Pas d'irrégularité dans la saisie de plus de 2500 litres roumongués par le chef du service national de renseignement dans cette province. Fait savoir le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, c'est après que certains pêcheurs de Rumongué aient indiqué à la radio Sanganiro être victime de cette saisie que ce carburant a été illégalement revendu. À Rumongué, toujours, des objets de pêche prohibés ont été saisis dans la nuit d'hier dans les eaux du lac Tanganyika et le président de la Fédération des pêcheurs Bondi indique qu'ils sont à détruire. Et en international, en France, les législatives sont en cours et l'Assemblée nationale va profondément être renouvelée. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un groupe de malfaiteurs non encore identifiés, armés de fusils et de grenades, a attaqué le domicile du nommé Nicodème Barukwindevia, âgé de 76 ans. Nous sommes sur la colline Mugano de la commune Bouraza dans la province de Gitega. Selon les informations fournies par le porte-parole de la police burundaise, cette attaque a eu lieu vers minuit. Après avoir défoncé la fenêtre, ces malfaiteurs ont commencé à tirer à balles réelles, blessant Nicodème à la cuisse, tandis que son épouse de 70 ans est morte sur le champ. Pierre Ngurikiye indique que ces malfaiteurs ont volé une somme de 40 000 francs burundis. Le nommé Gabriel Basita a été battu à mort par un groupe de personnes ce samedi sur la colline d'Outkwe de la commune et province Ruigi. Le porte-parole de la police fait savoir que cinq suspects sont dans les mains de la police pour enquête. La sorcellerie serait la principale cause de cet assassinat. Je vous le disais en titre, la saisie de plus de 2500 litres du carburant dit frauduleux par le chef du service national de renseignement à Rumongué dans cette même province du sud du pays au cours du mois de mai dernier, c'est conforme à la loi, selon le porte-parole de la police Pierre Ngurikiye, au propos de certaines des victimes de cette saisie, arguant que cette opération s'est effectuée sans aucun procès verbal de saisie. Le porte-parole de la police indique que le chef du service national de renseignement à Rumongué a présenté à ses chefs hiérarchiques ses PV de saisie en bonne et due forme. Le porte-parole de la police dément les informations selon lesquelles ce carburant a été revendu par le même chef du SNR à Rumongué. Pierre Ngouriki informe que ce carburant a été remis à la commission provinciale chargée de gérer toute marchandise saisie. Isanganiro. Restons à Rumongué cette fois-ci pour parler de la pêche. Deux bateaux de pêche et trois filets, des engins de pêche prohibés saisis le soir de ce samedi dans les eaux du lac Tanganyika côté Mutambara. C'est près de la position de la marine burundaise où ces objets ont été rassemblés. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et des fournisseurs des poissons au Burundi, dit qu'ils sont à détruire. De Rumongué, nous appelons Jean-Pierre Misago. Il s'agit de deux bateaux de pêche ainsi que trois filets, parmi lesquels deux filets maya monofilament et une scène de plage qui ont été saisis dans les eaux du lac Tanganyika côté Mutambara, près de l'estuaire de la Murembwe, et ont une valeur d'environ 3 millions de francs burundais, comme l'indique Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Une patrouille conjointe de la marine burundaise, de la police et du comité des pêcheurs de Rumongué sont parvenus à mettre la main sur ces engins, sur des informations obtenues de certains habitants de Mutambara, mais les utilisateurs de ces engins qui opéraient en pleine fermeture de pleine lune avaient pris le large, ayant eux aussi des antennes, selon Gabriel Boutoyi, qui indique que ce combat qui a débuté le 21 décembre 2011 devra se poursuivre au Burundi. Certains engins provoquent en effet la détérioration précipitée du poisson pêché et d'autres encore raflent même les alevins, inhibant du coup la multiplication des poissons, raison pour laquelle tous les engins saisis, y compris les bateaux utilisés, doivent être détruits. Cela porte à 12 144 engins de pêche prohibés détruits au Burundi depuis 2011, saisis dans le lac Tanganyika et dans les lacs du Nord confondus. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Revenons sur la capitale Bujumbura pour parler de l'environnement. Les usagers de 4e et 6e avenue de la zone de Bwiza, mairie de Bujumbura, demandent que le trou qui se sont créés à leur jonction du boulevard du peuple Murundi soit bouché dans le plus bref délai. Ils expliquent que ces trous causent beaucoup d'accidents et parfois certains des passagers tombent dans ces derniers qui, dans l'un de ces trous, ils sortent des égouts, source des odeurs nauséabondées. Place de Niumongere a fait le tour de cette zone. Voici son reportage. Le trou situé à la 4e avenue se trouve juste au niveau du parking des bus à destination du nord de la capitale, dite permanence. Ce trou est à moins de 100 mètres du bureau de la zone Bwiza, bâti sur la même avenue. Dans ce trou sortent des déchets issus des tuyaux d'évacuation des eaux usées, dégageant une odeur nauséabonde. Ce trou totalise plus de 6 mois, témoignent les usagers de ce parking. À côté de ce trou, on étale de petits produits. De notre arrivée sur ce parking, on pouvait noter cette terre des arachides. Cette dernière appartenait à une commerçante ambulante qui est tombée accidentellement dans ce trou, témoigne celui-ci. Ce trou cause beaucoup d'accidents. Regarde ces arachides. Elles appartiennent à une maman qui faisait son commerce ambulant là-bas. Elle est tombée dedans. Ces arachides se sont renversées. Elle a eu un choc au niveau de sa jambe et ensuite, elle est rentrée à la maison à pied parce qu'elle ne pouvait pas prendre un bus avec les autres, faute d'odeur nauséabonde. Ici, c'est un lieu qui rassemble beaucoup de passagers. Certains boycottent ce parking. Ils arrivent à nous agresser parce que nous nous plaçons ici devant ce trou. Juste à côté, ce garçon témoigne, lui aussi, qu'il est tombé dans ce trou. Mais difficile pour lui de quitter l'endroit car il n'a pas où aller pour son petit commerce. Je n'ai pas à faire car même les autres vivent à côté de tels déchets sans que les concernés pensent à la réhabilitation. Un jour, un véhicule a fixé ses phares au niveau de mon nerf et puis je suis tombé dans ce trou. J'ai été obligé de retourner à la maison pour changer mes habits car de ces derniers sortait une mauvaise odeur à cause de ces déchets. Un autre trou se trouve au niveau de la jonction du boulevard et la 6e avenue de la même zone de Bwiza. Ce trou est à quelques mètres du bâtiment de la mairie de Bujumbura, dit Bon Accueil. Même s'il n'y a pas de déchets qui y sortent, ce conducteur de tricycle qui a eu un accident au niveau du trou de la 4e avenue explique qu'ils essaient de contourner celui de la 6e avenue comme les autres, mais des accidents sont déjà enregistrés. Ces trous causent beaucoup d'accidents. Je donne l'exemple sur moi-même du trou de la 4e avenue. Lorsque j'ai quitté la route principale, il y avait une personne à côté. Je me suis retrouvé, mon pneu déjà rentré dans ce trou et j'ai cogné mon front contre le pare-brise. Mon pare-brise s'est cassé, ce qui m'a coûté 110 000 francs pour acheter un autre. Ici, au niveau de la 16e avenue, nous essayons de le contourner. Des fois, des véhicules tombent dedans et on s'arrange pour les retirer. Ces avenues devraient être réhabilitées pour une circulation libre. En plus des taxes, nous payons des frais de stationnement. Si ces frais rentraient dans les caisses de la mairie et qu'il n'y a pas de travaux de réhabilitation, on dirait qu'on paie pour rien. Que ce soit les conducteurs de véhicules et piétons empruntant ces deux axes abritant des bâtiments administratifs qui ne comprennent pas pourquoi le retard des réhabilitations de ces avenues demande que ces trous soient bouchés pour permettre une libre circulation. Merci à Placide Niomongere pour ce reportage. Cap sur le nord du pays, cette fois-ci à Muyinga, où plus de 17 000 ménages de vulnérables sont recensés dans cette province, confrontés aux problèmes d'accès aux services de santé. L'organisation belge Memisa s'engage à continuer l'achat des cartes d'assurance maladie à tous ces indigents et va supporter en partie le ticket modérateur de Donetsi Imana pour plus de détails. Des critères d'indigence arrêtés par la population lors des réunions collinaires sont entre autres d'être sans revenu alors qu'on a un handicap ou une maladie chronique, être orphelin ou enfant abandonné, des personnes âgées, rapatriées non encore réinsérées. Au total, 17 434 ménages indigents ont été recensés dans la province Muyinga. Un des défis à ces ménages est l'accès aux services de santé. L'organisation belge Memisa, en concertation avec les structures de santé, achète des cartes d'assistance médicale dites CAM pour tous ces ménages à raison de 3 000 francs par CAM. Le titulaire de cette carte paie 20% du ticket modérateur car le gouvernement supporte 80% versé aux structures de soins. Le docteur Edouard Nkurunziza, coordinateur de programme Memisa au Burundi, révèle que ce ticket modérateur va être supporté aussi 15% par Memisa et 5% provenant d'un fonds d'équité créé par la Blanche de la Croix-Rouge à Muyinga. Jean Bekimans Mamazi, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, salue de telles œuvres charitables et émet le souhait de voir plus d'efforts orientés vers la réinsertion socio-économique de ces indigents pour ne pas avoir d'éternels indigents. Dans ce sens, Memisa, financée par le gouvernement belge, finance déjà de telles initiatives génératrices de revenus dans les ménages. En 2016, on estimait à 19 000 ménages d'indigents dans la province. Je donne Nzeimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Bienvenue dans l'actualité internationale au Mali. Le ton monte contre le projet de révision de la Constitution. En France, les législatives ont déjà commencé et l'Assemblée nationale va profondément être renouvelée. En République démocratique du Congo, une policière a été tuée dans une attaque d'un parquet de Kinshasa. Les détails avec Ali Dandaïket. En République démocratique du Congo, une policière a été tuée dans la nuit de vendredi à samedi dans l'attaque d'un parquet de l'Est de Kinshasa. Le parquet a été attaqué cette nuit par des hommes armés non identifiés qui ont tué cette policière et une autre a été grièvement blessée. Jeune Afrique écrit que sur les 11 détenus, 3 manquent à l'appel. Cela a été confirmé par le porte-parole de la police congolaise sans donner immédiatement le bilan ou les détails sur cette attaque. Selon le magistrat, plusieurs véhicules dont le sien garés dans l'enceinte du parquet ont été incendiés. Au Mali, la fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Une nouvelle manifestation a été dispersée hier, samedi 10 juin, à coups de gaz lacrymogène. Opposition et société civile accusent le gouvernement de vouloir renforcer les pouvoirs du président. RFI Afrique parle de centaines de manifestants qui ont marché sur Bamako. L'interdiction de cette manifestation par la municipalité en évoquant l'état d'urgence ne serait qu'un prétexte pour bâillonner le peuple selon les organisateurs. Avec cette révision de la Constitution, le président de la Cour constitutionnelle sera nommé par le président de la République et le président de la République va prêter serment devant cette même Cour constitutionnelle, ce qui est illogique pour les manifestants. Le président pourra également nommer un tiers des futurs sénateurs. En France, c'est le premier tour des législatives qui a commencé ce dimanche 11 juin. Sans présager les résultats, une chose est déjà actée. L'Assemblée va être profondément renouvelée en raison notamment de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats voté en 2014. Comme on peut le lire sur RFI Afrique, plus d'un tiers des députés sortants ne se représentent pas. Certains ont choisi de laisser la place à la nouvelle génération. C'est notamment le cas des communistes Alain Bocquet et François Assensi, élus depuis 1978, des socialistes comme Claude Barthelone, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrou et les députés de droite Bernard Accoyé, Luc Châtel ou encore Patrick Balkany. Autre phénomène, de jeunes parlementaires ont choisi de ne pas briquer un second mandat, ils se disent déçus par la fonction parlementaire. La lassitude donc, mais aussi le souhait de s'éviter une humiliation électorale. C'est sur cette actualité internationale avec Adida que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Une personne a été tuée dans la nuit de ce samedi et une autre blessée sur la colline Mugano. Nous sommes dans la province de Gitega par des malfaiteurs armés de fusils et de grenades. Et une somme de 40 000 francs a été volée, a fait savoir le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la police burundaise. Pas d'irrégularité dans la saisie de plus de 2500 litres à Rumonge par le chef du service national de renseignement dans cette province. Fait savoir le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, c'est après que certains pêcheurs de Rumonge aient indiqué à la radio Isanganiro être victimes de cette saisie que ce carburant a été illégalement revendu. À Rumonge toujours, vous l'avez entendu, des objets de pêche prohibés ont été saisis dans la nuit d'hier dans les eaux du lac Tanganyika. Et le président de la Fédération des pêcheurs au Burundi indique qu'ils sont à détruire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition. Merci à Jean-Dodieu Ndaisenga pour sa parfaite collaboration technique. Nous vous souhaitons de passer toujours la journée dominicale. Au revoir.